Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 49. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 22 octobre 2006, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es sang bleu, tu es chasse à cour, tu es fleur de lys, tu es royal au bar, puis prince consort, et tu es aussi... Sire, il me reste à faire le plus agréable, qui est de remercier votre majesté pour son accueil et pour son hospitalité. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es noblesse de France ou aristocrate fin de race, c'est toi qui choisis. Depuis mercredi dernier, tu peux aller voir au cinéma le nouveau film de Stephen Frears intitulé The Queen, qui est consacré bien sûr à la reine d'Angleterre. Alors, à l'heure où les Britanniques ont flanqué leur Elizabeth II sur une pellicule, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, en 53 minutes, de se demander « Mais bon sang, que signifie encore aujourd'hui être noble sur les terres de France ?» Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de l'aristocratie française. Pour commencer, de la particule au bottin mondain, il faut tenter de décrypter qui peut encore aujourd'hui revendiquer son authentique noblesse. Ensuite, nous nous intéresserons à la manière de vivre des aristocrates dans cette France du 21e siècle. On enchaînera justement sur une petite surprise de la troupe des déchiens qui viendra nous faire part des doléances de la noblesse française d'aujourd'hui. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons comment en réalité, depuis 4 ans maintenant, notre République française s'est transformée ni plus ni moins en une jolie monarchie parlementaire. Et enfin, te raconter ce qu'ont vécu Monique et Jean-Claude le week-end dernier, alors qu'ils étaient invités dans le château séculaire d'une véritable famille aristocrate. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et, comme le duc, danse à ta guise. Obladi Oblada, chante en 1968 Sir Paul McCartney et les Beatles sur leur mythique album blanc. D'ailleurs, sur le même album, on aurait pu choisir la chanson Revolution, mais bon, ça aurait fait mauvais genre dans une émission consacrée à la noblesse. Car, en effet, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc au monde interlope des nobles. Un groupe social qui fascine toujours les Français, malgré une volonté maintes fois déclarée de les exhiber à la lanterne. Alors, dans la grande famille de la noblesse, tu trouves un peu de tout. Tu as tout d'abord la vieille noblesse, souvent immémoriale, celle qui trouve sa légitimité dans le service du roi à la guerre. Elle est communément appelée noblesse d'épée et c'est le pur produit du système féodal. C'est cette noblesse que pouvaient espérer atteindre au Moyen-Âge les chevaliers. C'est quand même beau. Comment vous dites que ça s'appelle déjà ? L'adoubement. Quoi, on aurait couché dehors ? Comment voulez-vous que ça s'appelle ? Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas, moi... Chevaliérisation. Quoi ? C'est bien pris ? Ah, et puis le petit coup d'épée là sur les épaules. Moi, ça me fait un petit pincement à chaque fois. Perceval ! Si ça vous intéresse pas, vous êtes pas tenu de rester. Si, ça m'intéresse. Je disais justement que je trouvais ça émouvant. Alors fermez-la ! Une heure que vous discutaillez. Qu'est-ce que vous auriez dit si les gars en avaient fait autant pendant votre adoubement ? Pendant mon quoi ? Adoubement. Ah, ça ? Ah non, mais je l'ai pas eu, moi, ça. Qu'est-ce que vous avez pas eu ? Bah ça, la messe, le coup d'épée, tout le tralala. Moi, à mon époque, ça se faisait pas, hein. Eh oui, au Moyen-Âge, tous les nobles n'étaient pas chevaliers et tous les chevaliers n'étaient pas nobles. En réalité, ce qui permettait d'être considéré comme noble, c'était de mener une existence répondant à des règles précises. Ne pas être commerçant, posséder des terres et surtout respecter un style de vie en rapport avec son rang. C'est à partir du XVIe siècle, face à la multiplication des nobles douteux, que la monarchie française décida de faire le tri en réclamant des preuves de noblesse écrites et anciennes. Ce contrôle de la noblesse par la monarchie absolue passe également par la multiplication des lettres d'annoblissement que l'on obtenait par l'achat d'une charge. Ainsi, à la cour du roi, sous la monarchie absolue, être noble, c'est plus que jamais suivre des règles précises édictées à Versailles. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent ? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été ? Ils le sont encore. Ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourrai si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec votre ami, ou même ton famille. Dans un film de Stephen Frears, Les liaisons dangereuses, sorties en novembre. Et en effet, pour la noblesse française, la sortie se fit bien souvent soit entre amis, soit en famille, mais toujours en charrette. Car la Révolution française, plus que la bataille d'Azincourt, fut l'occasion rêvée pour les nobles de faire preuve de l'honneur et du panache dont ils se sont toujours targués. Au pays de la gloriole, quand le panache était roi, ne faisait pas le mariole le long du chemin de croix. Il menait à l'échafaud le monde des aristos et un bourbon pour le 16, car le soleil se levait beaucoup trop rouge au 14 juillet. La particule trahissait les ci-devant que l'on emprisonnait. La particule trahissait les ci-devant que l'on emprisonnait. Elle emballe, je t'emballe. Et en effet, de nombreux aristocrates furent emballés dans deux morceaux pendant la Révolution française, dont une des dates majeures est sans conteste la nuit du 4 août 1789, durant laquelle fut votée l'abolition des privilèges. Ensuite, en 1790, l'Assemblée constituante supprima la noblesse héréditaire pour toujours. En fait, ce « toujours » n'aura duré que 18 ans. Car en mars 1808, Napoléon Ier créa la noblesse d'Empire, une nouvelle noblesse, parfois mal perçue par l'ancienne. Il vaut mieux que tu saches comment on t'appelle. Comment on m'appelle ? La maréchale Lefebvre ? Non. Alors comment ? Madame sans gêne. Oh, pourquoi ? Mais faut-il que ça m'impressionne ? Parce que l'autre soir, chez les La Rochefoucauld, un vieux noble, mais tu sais, de l'ancienne noblesse, de la noblesse d'autrefois, m'a parlé de ses ancêtres avec une telle insistance. Mets en cette par-ci, mets en cette par-là. Quand tu le reverras, tu lui diras ceci. Vous avez des ancêtres. Mm. Oui. Seulement le Lefèvre, lui, c'est un ancêtre. Ah. Et tu ajouteras. Dame, il faut bien que ça commence, les ancêtres. Oui, au XIXe siècle, la composition sociale de la noblesse connaît de profondes mutations. Les anciens nobles se mélangent aux nouveaux dans une société où la bourgeoisie qui accède au pouvoir copie les mœurs aristocrates. Alors que pourtant, c'est clair, pour un noble, un vrai... Pourtant, haute bourgeoisie et noblesse font bon ménage dans la domination sociale et dans les hautes sphères du pouvoir. Car étonnamment, même sous la République, dans l'armée ou la diplomatie, la surreprésentation des nobles est persistante. Et cela, même quand le chef de l'État n'est qu'un simple roturier. Monsieur Giscard d'Estaing et ses ministres parlent de liberté. Mais le président de la République gouverne comme un monarque absolu. Eh oui. Même dans la République, les travers monarchiques ressurgissent. Pourtant, il y a une chose qui semble bien avoir complètement disparu, c'est la restauration de la monarchie. Qui s'intéresse encore aujourd'hui aux prétendants à la couronne de France? Et qui se soucie de la guéguerre de succession ridicule entre légitimistes et orléanistes? Personne. D'ailleurs, au sein même de la famille, c'est le bordel. Le comte n'est pas bon. Le comte de Paris, l'héritier des 43 qui en 1000 ans firent la France, a carrément renié son fils aîné, le prince Henri de France. Selon le comte de Paris, son rejeton Henri n'eut point dû rompre ses épousailles avec sa première femme et encore moins se remarier civilement avec une autre. Le comte de Paris, âgé de 78 ans, souligne qu'un tel comportement, inadmissible pour un prince de France, rompt avec les us et coutumes de la maison royale. En conséquence de quoi, le sieur Henri n'est plus une huile. Il ne peut plus prétendre à la succession. Tout est perdu, fort l'honneur. Mais, nonobstant les admonestations paternelles, le prince Henri ne l'entend pas de cette oreille, également baptisé Royal Pavillon. Je suis et demeure l'héritier de la couronne, a-t-il déclaré en substance et au micro de Radio Périgord. C'est clair, la maison de France ne pousse pas au respect et aujourd'hui, la noblesse est un peu un fourre-tout. Des nobles d'empire aux cadets surtitrés et des faux nobles aux titres de courtoisie, c'est le foutoir. Alors, le mieux, c'est quand ils en parlent entre eux. Qui se raconte des histoires de vicomte. Quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent des histoires de marquise. Quand un cul-de-jatte rencontre un autre cul-de-jatte, qu'est-ce qu'ils débattent des histoires de cul-de-jatte. Chacun sur terre se fout des petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous, nos petites affaires, c'est ce qui passe avant tout. Malgré tout ce qu'on raconte, partout, partout, qu'est-ce qui compte en fin de compte? Ce qui compte surtout, c'est nous. Chacun sur terre se fout, se fout des petites misères de son voisin du dessous. Quand une bigote rencontre une autre bigote, qu'est-ce qu'elle chuchote des histoires de bigote. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qui les charme des histoires de gendarme. Quand une vieille tante rencontre une autre vieille tante, elles sont contentes de parler de leur tante. Quand un vicomte, chanson reprise en 1961 par la roturière Mireille. Cela dit, à l'origine, cette chansonnette appartient depuis l'an 1935 au lignage du chevalier Maurice. Alors, pour continuer notre visite guidée sur les terres de l'aristocratie française, après avoir tenté de distinguer l'authentique noblesse de celle des escrocs, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux différentes manières de vivre des aristocrates dans cette France du XXIe siècle. Oui, mon ami, comment vivent-ils aujourd'hui ? Selon l'ANF, l'Association d'entraide de la noblesse française, autrement dit la SPA des aristos, quoi, on estime qu'il reste encore aujourd'hui en France à peu près 2500 familles nobles. Et depuis l'instauration des régimes démocratiques, ces malheureux aristocrates n'ont plus d'autre choix désormais que d'apprendre à vivre parmi nous. L'horreur. Déchristianisation, communiste au pouvoir, célébration en grande pompe du bicentenaire de la Révolution, bref, d'où Jésus, la chienlit. Cela dit, portée par des valeurs quasi millénaires, la noblesse de France n'a pas pour autant complètement renoncé à ses vieilles traditions. Les aristos d'aujourd'hui tentent malgré tout de les faire survivre au milieu de cette populace inculte et si dangereuse que nous sommes. Pour ce faire, il faut notamment multiplier les familles nombreuses et les mariages consanguins, quitte à passer pour des fins de race, l'essentiel étant de préserver l'existence du noble groupe. Ainsi, avant même de devenir adultes, les enfants de l'aristocratie doivent se plier aux coutumes de leurs nobles ancêtres. Hier soir, au cours d'un cocktail, la duchesse de Maillé et le duc de Brissac ont présenté aux membres de la presse le bal des débutantes qui se tiendra vendredi à l'Orangerie de Versailles. Monseigneur le duc de Brissac a tenu à faire une déclaration. C'est une très jolie fête, très sympathique. Et alors, ma fille cadette, qui a 19 ans, m'a expliqué que pour qu'un bal soit réussi, il faut qu'il y ait 2 danseurs et demi par danseuse. Admirez le demi-danseur. Enfin, disons plutôt 5 garçons pour 2 filles. Eh ben bravo, monsieur le duc. 5 garçons pour 2 filles. On constate que le marquis de Sade a fait du chemin dans les nobles esprits de l'aristocratie française. Mais bon, attention, le bal des débutantes n'est pas non plus un carnaval de croquignoles. Pour y être admise, il faut aujourd'hui encore, pour ces jeunes femmes de la noblesse, déployer toute une panoplie. Léna et les banques présentent une splendide panoplie. Avec le pull, le foulard, la jupe, les collants, les chaussures avec la boucle dorée, le collier, les dents blanches et des ongles propres. La Versaillaise en panoplie, c'est les copains qui vont être surpris. L'année dernière, j'ai eu David Croquette, mais je n'ai jamais mise. La Versaillaise en panoplie, livrée avec 6 capotes. Mais j'espère bien, livrée avec 6 capotes. Quand on sait maintenant qu'au bal des débutantes, il y a 5 garçons pour 2 filles, c'est un minimum, monseigneur. En plus, il en reste une capote supplémentaire au cas où. Et puis, au bal des débutantes, il n'y a pas que la tenue vestimentaire qui doit nous confirmer ton origine nobiliaire. Il y a également, bien sûr, les pratiques langagières. Une aristocrate doit savoir s'exprimer avec majesté. J'ai pris une de ces branlées au bridge. Les poils sous les bras, ça ne me gêne pas, même dans le nez. Mon voisin sent le caca. Quand je pense que Roméo n'a jamais baisé Juliette, le con. Je suis pétée comme une raquette. Je suis remboursée par la sécu. Anne-Françoise a un anus trop artificiel pour être honnête. Alain, t'as ton membre qui dépasse. Eh ben voilà, la réputation des bonnes manières de l'aristocratie, c'est plus que c'était, dis donc. D'autant qu'aujourd'hui, certains aristocrates célèbres n'hésitent même plus à nous révéler les coulisses tumultueuses et condamnables de leur jeunesse. Regarde Dominique Galouzeau de Villepin, par exemple. J'allais le matin à l'école, les cheveux longs, fumant du hashish, tout semblait calme, le ciel était bleu. Moi, j'ai passé des heures en fumant du hashish, caché dans mon cartable, en classe, donc avec l'idée de ne pas être vu. Bon, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur l'aristocratie française, moi ? Tout fout le camp, merde. Mais bon, heureusement, certaines grandes familles de la noblesse ont su conserver encore aujourd'hui l'esprit de leurs ancêtres, notamment à travers la bonté que leur a enseigné le Seigneur Jésus. Charité chrétienne qui permet à certains nobles, de temps en temps, de mêler leur vie privée à la vie publique. En effet, une aristocrate peut être une mère de famille, une femme, mais aussi une citoyenne. Une mère, une femme, mais aussi une citoyenne, qui s'inscrit de plus en plus, comme on a pu le voir récemment, dans la vie de notre pays, surtout en faveur des plus démunis. J'essaie d'agir à mon petit niveau, évidemment. Par exemple, j'ai décidé d'organiser une grande journée 4 quarts pour le quart monde. Si chacun d'entre nous faisait un 4 quarts, c'est tellement simple, 4 œufs, 250 grammes de farine, de beurre, de sucre, je crois que le monde tournerait plus rond. Ça c'est sûr, baronne, un 4 quarts et ça repart. En réalité, il semble que les aristocrates d'aujourd'hui aient du mal à s'adapter à notre époque moderne. Je crois qu'au final, ils ne se sentent jamais aussi bien que lorsqu'ils sont entre eux, comme autrefois. Chez Madame de la Fressange, le jeudi soir on prend le thé. Au 3 de la rue Michel-Ange, Tout le beau monde est invité. Je vous présente Monsieur Jean-Louis de la Fressange, dont le papa a été rentier, directeur de la Barclays Bank et actionnaire de chez Chartier. Alors évidemment, on pourrait nous dire maintenant que c'est très facile de se moquer des aristocrates d'aujourd'hui. C'est pourquoi, dans un esprit d'équité, nous avons décidé ce matin de leur accorder ici 2 minutes afin qu'ils puissent exprimer leurs doléances et les raisons de leur souffrance face à ce monde qui ne cesse de les maltraiter. On écoute ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Le pouvoir social-communiste a fait beaucoup de mal. Oh. Hein, partout, dans tous les domaines. Tous les domaines, hein, hein. Ça a été une catastrophe. La gauche, hein, la gauche a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et je dirais surtout pour la noblesse, oh hein, qui a été. Ah bah, ils ont été carrément. Les nobles, il y en a. Ils ont été carrément déconsidérés. Ah, déconsidérés, hein, ça a été. Oh, fallait plus être noble. Hein. Depuis 80. Une particule, c'était. Ah, porter une particule, c'est avoir la lèpre. Ouais. Ah oui, ouais. Hein, faut voir, hein, les gars, par exemple, je dirais Monsieur Daboville, hein, quand je le vois sur sa pauvre coquille de noix en train de faire le rameur. Ouais. Ah, j'en pleurais. Alors qu'il était quand même, on aurait pu quand même penser qu'il aurait été promis à une autre destinée. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la noblesse a quand même énormément apporté. Quand même, il ne faut pas oublier que la France a quand même été, quand même, les nobles ont quand même énormément, si vous voulez. Quand même a été quand même un espèce de quelque chose qui a été quand même assez car essayer de faire de la France quand même d'apporter quelque une autre de prestige prestige. Hein? Que maintenant il n'y a que le prestige. Philippe de Villiers, voilà. Qu'on oblige à faire le mariole. On oblige à organiser un carnaval. À de Villiers. Hein. À faire le mariole. J'en pleurais quand je vois ça. Hein, Vous avez les Leroy Merlin qui est obligé de. Vendre de la quincaillerie. Quand même, faut quand même. D'aller vendre du ciment et d'aller vendre du. Pour faire des zones pavillonnaires. C'est étonnant. C'est un peu plus. Quand le Carrefour Pompadour. La Duchesse du Barry, les Comtes d'Hoffmann, les Haricots Princesse. La gauche socialo-communiste. Ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Hey, America, think there goes the USA. Money wants to make you think. Sex, cars, ladies, bars, focus up on the lead guitars. Come on, come on, take a drink, yeah. Well, I don't believe what the world wants me to. Hey, Sue, too, yeah, Elron, Santa Claus, me and you, yeah. Love, love, love is all you should be thinking of. The California highway's like a road to a supernova. You were saying the drop, but the really want to run you over. Got that prize, try and just stay alive. up on your highways like a road to a supernova. People say they drive, but they really wanna run you over. Love, love, love, c'est ce que propose Jude, sans culotte, tant qu'à faire, sur son nouvel album intitulé Redemption. Alors, pour poursuivre maintenant notre petite balade en carrosse sur les terres de la noblesse française, il est temps, à 11h31, de te raconter comment, en réalité, depuis quelques années, nous vivons désormais sous un régime monarchique. Comme chacun sait, le 5 mai 2002, Jacques Chirac fut réélu à la présidence de la République avec 82% des suffrages. C'est ainsi que ce jour-là, la République a disparu au profit d'un régime monarchique très particulier. C'est alors que pour gouverner le royaume de France, donc, Sa Majesté Chirac Ier fit venir à Paris un baron poitevin, Jean-Pierre de Raffarin, un maraud selon certains grands seigneurs de la cour. Le vicomte Galouzeau de Villepin lui-même fut outré par le choix de ce bouffon bossu qu'il considérait alors comme un vulgaire vassal de province. D'ailleurs, sous la pression de la cour, Sa Majesté Chirac Ier ne tarda pas à humilier Monsieur de Raffarin. Tu veux quoi, toi ? Vos ordres pour la France d'en bas, sire. Pour la France d'en bas ? Vos encore dire de monter ? À vos ordres, sire. Ouais, bah, on a bien travaillé, là, hein ? Oui, sire, très bien. Je vais continuer, si vous le voulez. Bah, c'est ça, voilà. Comptez-nous, moi, je vais dormir. Un jour, tout ça sera à moi. Oui, très vite, le baron Poitevin fut totalement dépassé par les intrigues de la cour chiracienne. Ridiculisé notamment par les attaques du redoutable marquis hongrois Sarkozy de Nagyboxa, Monsieur de Raffarin dut quitter le gouvernement. C'est alors que Sa Majesté Chirac Ier confia les affaires du royaume en mai 2005 au vicomte Galouzeau de Villepin. Et dans la plus noble tradition aristocratique, dès son intronisation, Monsieur de Villepin annonça la couleur. Premièrement, je mens. Je mens 2 ans. Deuxième mesure, je casse les jeunes de plus de 50 ans. Troisième mesure, à toutes les personnes au chômage depuis plus de 50 ans. Un concombre de travail. Seulement voilà, le tiers état ne put contenir très longtemps sa colère. Ainsi, au printemps dernier, acculé par les jeunes disciples de Pierre de Sorbonne, Monsieur de Villepin fut presque contraint de convoquer les états généraux. C'est à ce moment-là que le marquis hongrois Sarkozy de Nagyboxa tenta d'approcher le grand chambellan du roi, le seigneur Jean-Louis Debré, pour obtenir ses faveurs et enfin récupérer le pouvoir à son compte. Voilà des mois que je sollicite une audience du roi pour plaider que ma famille a été dépossédée d'un titre qui lui revient depuis toujours. J'ai fait intervenir mon cousin, l'évêque de Caen. Et je crois mon audience proche. Je suis heureux. Mais en attendant, vous allez sourire, je suis dans la gêne. C'est bien fâcheux. Mais monsieur, je suis prêt à vous signer un billet à échéance. Je suis moi-même dans une extrême nécessité, désolé. Ainsi, le seigneur Debré refusa toute compromission avec le petit marquis. Depuis, l'ambiance à la cour est détestable. Le royaume de France traverse une crise de régime inquiétante et la fin du règne de Chirac Ier s'annonce terrible. Et ce, jusque dans l'intimité du roi. Car Chirac Ier ne supporte plus la reine, Madame Bernadette Chaudron de Courcelles, pour qui d'ailleurs il a des mots très durs. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et aliéner ma vie entière, comme ça, tu ressembles à ta mère. Car rien pour inspirer l'amour. Oui, le déclin de la noblesse est une chose terrible. Et pour éviter le pire, la princesse Claude, fille cadette de Sa Majesté Chirac Ier, a organisé il y a quelques jours une réunion de la famille royale pour évoquer l'après-pouvoir. Claude, soutenue par la reine-mère, a tenté d'expliquer au roi qu'il faudra peut-être travailler dans quelques mois. C'est la reine Bernadette qui s'est lancée la première. Un travail, c'est... C'est... comment dire ? Une occupation rémunérée. Rémunérée ? Rémunérée, mais par qui, grand Dieu ? Vous savez, quand on travaille, à la fin du mois, on vous donne un salaire. Enfin, de l'argent, quoi. Avec un travail, on paie ses dettes. C'est ébouriffant, non ? Écoutez, si l'histoire nous appelle, nous ne nous déroberons point. Après, nous n'avons pas survécu à Clotilde Courau, Stéphanie de Melaco. Enfin, je ne vois pas vraiment pourquoi nous ne pourrions pas affronter le travail. Nous verrons bien si dans quelques mois, la cour de Chirac Ier découvre le travail. Alors, tout cela étant dit, que dire désormais de l'opposition socialiste dans ce royaume de France ? Eh bien, il y a 3 semaines, alors que la duchesse Madame Sylvia Nagasinski attendait dans ses appartements parisiens son mari, Monsieur de Jospin, quelle ne fut pas sa surprise ? Entre, Lionel, la porte est ouverte. Mais je te dis que c'est ouvert, tu fais pas gaffe aux poubelles, tu les pousses. Oh mais t'énerve pas, j'arrive, oh là là ! Pfff, t'es brêle alors. Bonjour, ma majesté, ma reine. Bonjour, mademoiselle. Je vous en prie, rentrez, restez pas là. Je vous fais un petit café. Non, merci, j'ai très bien déjeuné. Eh oui, derrière la porte se trouvait en réalité la comtesse Ségolène de Poitiers, nouvelle régente du Parti Socialiste. Madame Royale, donc, cherchait à rencontrer Monsieur de Jospin pour connaître les véritables raisons qui l'avaient conduite à renoncer au trône si rapidement. Une demi-heure plus tard, Monsieur de Jospin finit par arriver. Ils s'installèrent au salon et elle ne put s'empêcher de lui demander pourquoi ce retrait. Ce à quoi M. de Jospin lui répondit qu'il avait bien compris que s'il revenait... Je serais pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une La comtesse du Poitou ne put s'empêcher alors de laisser échapper un sourire cynique face au désespoir de Monsieur de Jospin. C'est ainsi qu'à son tour, il lui demanda pourquoi était-elle aussi méprisante à son égard ces derniers mois. Ce à quoi Ségolène de Poitiers lui répondit alors que... Mais a-t-on le choix si l'on n'est qu'une simple femme ? Une femme est obligée d'avoir bien plus de talent que vous, messieurs. Un homme ruine notre réputation avec quelques petites phrases bien venimeuses. C'est pourquoi j'ai dû inventer la femme que je suis. Et puis surtout des échappatoires inédites pour me garantir contre votre pouvoir. Si j'ai réussi, c'est parce que je savais que je suis venue au monde afin de dominer votre sexe et de venger enfin le nôtre. Oui, sauf que Monsieur de Jospin connaît Ségolène de Poitiers depuis l'ancien régime. Alors il lui fit surtout remarquer que... Tu as bien changé d'allure avec ton nez au ciel et... Tes yeux qui papillonnent, ton petit chat qui frissonne, oh. Excuse me, lady, à d'autres mais pas à moi. À d'autres mais pas à moi. Oh non, à d'autres pas à moi. Qu'importe les sarcasmes, la comtesse du Poitou sait désormais que son accession au trône ne sera point encombrée par la présence de Monsieur de Jospin. Avant de prendre congé, et par simple courtoisie, elle lui demanda ce que serait son avenir dorénavant. Monsieur de Jospin lui répondit qu'il allait s'installer sur son fief de l'île de Ré. Je retourne à mon pays pourri, madame. Me placer là-bas. Je ferai des canaux. Je monterai des digues. Je creuserai la vase de mes mains s'il le faut. Ségolène de Poitiers quitta ravie Monsieur de Jospin. Mais a-t-elle réellement saisi l'allégorie ? N'a-t-elle point compris que c'est contre elle que Monsieur de Jospin va monter ses digues ? D'ailleurs, il n'a sans doute pas totalement renoncé au trône, car ce vieux briscard de la politique sait mieux qu'un autre qu'il vaut mieux redouter les voisins que les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime, où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les techniciens, dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. J'ai toujours préféré au voisin. j'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leurs dentelles au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge. Plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que tu séchais. Voisine chante Renan Luce, le nouveau petit prince de la chanson française qui a obtenu ses quartiers de noblesse en entrant dans la playlist de France Inter. Alors pour poursuivre notre balade dominicale chez les barons et les duchesses, il est grand temps maintenant à 11h42 de retrouver nos deux héros titrés, les Hobereaux Monique et Jean-Claude, qui, la semaine dernière, à peine revenus de leur séjour en Andalousie, ont goûté l'espace d'une soirée aux voluptés aristocratiques. En effet, le grand patron de Jean-Claude, le duc Sainte-Croix de Rochecourt de la Stock Option, a invité par courrier nos deux héros à une soirée dans son château en Touraine. Et c'est en retard, mais muni d'une lettre de la noblesse donc, que Monique et Jean-Claude arrivent au château où la fête a déjà commencé. Ils sont reçus sur le perron par un laquais qui refuse de les laisser rentrer. N'insistez pas, monsieur, je vous répète que c'est impossible. Et en supposant que j'entre tout de même, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous appelez la police? Nous avons notre service d'ordre, monsieur. Quelque chose ne va pas, Alfred? Il se trouve que monsieur insiste pour entrer alors que monsieur n'est pas... Ça va. Ah, je suis désolé, monsieur, mais le bal de la noblesse est strictement réservé aux aristocrates. Non, mais enfin, écoutez, c'est une plaisanterie, c'est madame de Rochecourt qui m'a invité. Je n'en doute pas, monsieur. Parfois, et c'est ce qui fait leur charme, les gens qui ont le sang bleu ont aussi un peu d'oubliance. Et madame de Rochecourt a oublié que pour participer à ce bal, la particule était obligatoire. C'est ça. J'ai fait 300 km pour venir la voir et vous voulez me renvoyer. C'est insensé. Bien, mais nous allons essayer d'arranger ça. Non, vous croyez? Suivez-moi. Et en effet, tout est vite arrangé après que le laquais eut la confirmation de l'invitation par le duc. Jean-Claude est fou de joie, lui, le petit roturier, de se retrouver ce soir dans le grand monde. Alors qu'ils sont conduits vers la grande salle de réception, Jean-Claude ne peut s'empêcher d'admirer l'accumulation de richesses et de questionner le valet qui lui répond que... Tout est duc ici, monsieur, tout est duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a. Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux. Il est nerveux. Et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du duc. Monique, elle, ses histoires de château, de duc et de poils, elle s'en moque. Après 2 heures de voiture, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes. Elle décide de partir seule à la recherche du pipi-room. Monique erre désespérément dans les couloirs et corridors, puis décide finalement de se soulager derrière un pilier. Au moment de repartir, elle se rend compte qu'elle s'est paumée dans cet immense château. Mais, par chance, Monique croise une femme de chambre à qui elle demande où se trouve le duc et tous les invités. Ce à quoi la domestique lui répond que... La comtesse Brouff et le Contine se font l'amour dans la cuisine, tandis que Lisette et Firmin font la même chose dans le jardin. Le rond baron de rond de jambes viole la baronne, viole de gambe, tandis que le duc Plicata fait à la duchesse adada. Après toutes ces informations, Monique est convaincue que son opinion sur les nobles est la bonne. Les nobles, ce sont tous des fins de race dégénérés. Suivant les indications de la femme de chambre, Monique retrouve pourtant la grande salle de réception à l'entrée de laquelle Jean-Claude l'attend avec impatience. Monique lui demande ce qu'elle a loupé, ce qu'il a vu pendant son absence. Jean-Claude, il en a pris plein les mirettes. J'ai vu des ducs, j'ai vu des princes, des barons, des comtes, des rois, des marquises à la taille mince qui dansaient au son des hautbois, dans des châteaux pleins de lumière où les fêtes resplendissoient, où l'on chantait il pleut bergère, dans le velours et dans la soie. Et il a bien raison, Jean-Claude, il y a du beau monde invité à cette soirée très mondaine. Le champagne coule à flot et après s'être enfilé six coupettes, Monique et Jean-Claude sont présentés par le duc à une illustre invitée, Nadine de Rothschild. Si, la vraie Nadine. Monique interpelle immédiatement Madame la Baronne. La boucle ne fait pas l'oreille, mais la rivière de diamants fait tout de même le milliardaire. Et ça, je défie qui que ce soit de dire le contraire, et surtout pas Nadine de Rothschild, puisque votre vie, enfin de la vie de tout le monde, on dit toujours que c'est un conte de fées. C'est vrai que c'est un conte de fées, vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Hein, un jour, il y a un beau chevalier qui est venu vous enlever dans sa Rolls blanche. Ça s'est passé un peu comme ça. D'abord, mon mari ne monte pas à cheval. Ensuite, il n'a jamais eu de Rolls. Il n'a pas eu de Rolls? Ah non, jamais. Ça, alors absolument pas. Ça, c'était vraiment, c'est encore dans la famille, l'objet, si l'on peut appeler ça de luxe, de mauvais goût. Tu l'es parvenu. Exactement, Jean-Pierre. Non, ce n'est pas Jean-Pierre, c'est Jean-Claude, madame. Jean-Claude. Monique est assez fière de sa sortie et décide d'ailleurs de reprendre une coupe de champagne. Jean-Claude, lui, pour se faire pardonner de l'insolence de Monique, invite la baronne à danser. Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris le pas. Oh, donnez-moi la cadence, danse, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse, pas la danse comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse, et la danser avec moi. Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous la prendrai la danse, danse, dans ce joli petit bois. Pendant que Jean-Claude danse, Monique est abordée par un vieil aristocrate à l'allure très distinguée. C'est le fameux marquis du Vercors, un grand résistant. Le marquis lui offre une nouvelle coupe de champagne et, à voir le profil altier de Monique, le marquis se demande si elle ne serait pas princesse du sang ou tout au moins duchesse. Mais non, Monique répond que... Le marquis est un peu étonné. Mais il insiste. N'aurait-il pas croisé Monique il y a quelques années lors du bal des débutantes ? Monique vide sa coupe de champagne et dit au vieux marquis de la laisser tranquille et d'aller s'occuper des fesses de sa femme. Elles sont vraiment exquises, les fesses de la marquise. Croyez-moi, ces fesses-là sont des fesses de gala. Depuis que je les fréquente, elles sont si convaincantes que j'avoue sans honte, non, que la noblesse a du bon. Elles sont vraiment exquises, les fesses de la marquise. Padada, padada, padada. Le marquis s'éloigne et au même moment arrive Jean-Claude qui a cessé de danser le menuet. Dans la grande salle de réception, les conversations entre tous les nobles portent sur leurs ancêtres. C'est à qui aura le plus de son ascendance de maréchaux, d'archevêques ou de députés. Monique, elle, dit alors à la cantonade que son député préféré, c'est... Le député Guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. De la France, on a chassé la noble vermine. On a tout rasé, cassé et tout mis en ruine. Mais de noble, on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine au guet, par la guillotine. Jean-Claude est extrêmement gêné. Les regards pleins de morgue se portent sur lui et sur Monique. Voulant rattraper le coup, Jean-Claude tente d'expliquer que oui, c'est vrai, la révolution fut un drame, mais bon, pas tant que ça, puisqu'ils sont tous là aujourd'hui et que... Ah, ah, famille nombreuse, Mais les explications de Jean-Claude n'y font rien. C'est à coups de souliers à boucles que Monique et Jean-Claude sont virés de la fête. Dans la voiture du retour, Monique est encore tout embuée par le champagne et Jean-Claude maugrait contre ces fins de race qui l'ont viré comme un malpropre. Après cette soirée, il se rend compte qu'il s'est trompé sur ce monde d'apparence et il le dit à Monique. C'est la vie de château avec toi. Après 300 kilomètres, Jean-Claude et Monique sont de retour chez eux. Fin de l'histoire. Pour Jean-Claude, maintenant c'est clair, les titres de noblesse ne veulent rien dire, sauf celui de Lady, et seulement pour Monique. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady. Je vous revois me sourire. Lady, lady, lady. J'étais si bien. Lady Lay, c'est ce que chante en 1974 le troubadour Pierre Groscolla. Ce succès mondial fut repris pour l'ouverture du carnaval de Rio. Du coup, pendant 3 semaines, il fut le prince des cariocas. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de la noblesse de France. De l'adoubement médiéval au bal des débutantes, de sa majesté Chirac Ier aux liaisons dangereuses et de la panoplie de la Versaillaise au marquis du Vercors, nous t'avons dressé un panorama subjectif, bien sûr, de ce que peut être l'aristocratie française. Alors, ça veut dire quoi exactement être noble ? Eh bien, c'est avant tout un groupe social basé sur l'hérédité et qui revendique un héritage de valeurs et de traditions ancestrales. Les nobles, ça a surtout été des privilèges et une manière de vivre. Du coup, selon les critères de l'Ancien Régime, la plupart des nobles d'aujourd'hui auraient dérogé. Ok, ils ont bien changé, certes, ils ne dansent plus le menuet, mais bon, leur chanson préférée, ce n'est pas encore ça. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Un énorme tube de l'année 1789 par les chœurs de l'armée sans culottes. Voilà, fin du 49e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi les Aristos, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux. Merci beaucoup à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Michel Toutain et d'Olivier Daligo. Merci à vous deux. Et puis, pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup aussi à Flora Bernard. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Thierry qui a été maître fauconnier au Puy du Fou. Comme quoi, on a tous des casseroles. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chaligne, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Alors, juste une chose pour l'indicatif de cette émission que vous écoutez un peu en boucle et qu'on vous offre ce matin un peu. C'est un monsieur qui s'appelle Young Drills, qui est un remix évidemment des Portes du Pénipensier par Johnny, mais surtout The House of the Rising Sun. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes podcaster l'émission. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.